Welcome, bonjour et bienvenue à bord de la Croisière Folk, cette émission qui vous emmène chaque semaine voguer au fil des musiques acoustiques du monde. Des rives du folk traditionnel aux rivages de l'Americana en passant par le bluegrass, le folk rock et les musines enracinées de toutes les régions, eh bien nous larguons les amarres pour une heure de découverte, de douceur et de belles histoires musicales. Alors, mon conseil, installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, parce que la croisière commence. Et sachez que nous avons une page Facebook qui s'appelle La Croisière Folk, et si je vous en parle, eh bien c'est parce que la vidéo de la première chanson que nous avons écoutée, vous pouvez la voir sur la page Facebook La Croisière Folk, et pour nous écrire, lacroisierefolk@yahoo.com. Et donc c'est un duo avec lequel nous avons démarré cette émission, The Pluckers, qui nous chante Beautiful Girl. C'est une chanson d'amour, et le duo The Pluckers se compose de Tony Boyle et d'Andy McKay. On poursuit avec Kristen Martel, Comme c'était avant. C'est un extrait de son premier opus francophone qui s'appelle Allume mon courage. C'est un projet lumineux qui rend hommage à ses racines acadiennes. Le morceau Comment c'était avant reconnaît les épreuves du passé qui mènent à une paix retrouvée entre vulnérabilité et force. Et puis, puisqu'on parle de l'Acadie, du Québec et donc du Canada, sachez que le 1er juillet, c'est la fête du Canada. En juillet, on fête pas mal de pays, hein, les États-Unis, la Belgique, la France. Mais je vous signale que j'ai écrit un article sur la fête du Canada article que vous pouvez retrouver sur jimagine.org. Et vous pouvez retrouver d'autres de mes articles. J'en ai écrit un sur les carottes et également sur un oiseau, un rapace qui s'appelle l'épervier de Cooper. Un oiseau qui doit être plus intelligent que les autres, peut-être parce qu'il porte mon nom. En fait, c'est un oiseau qui profite des feux de signalisation pour chasser. Donc n'hésitez pas, vous pouvez lire l'article gratuitement d'ailleurs sur jimagine.org, sur l'épervier de Cooper, sur également la fête du 1er juillet au Canada et sur plein d'autres sujets. Et juste après ça, Donald W.G. Lindsay avec Two Boats Under the Moon, c'est la plage titulaire de son tout premier album, l'album solo de ce musicien écossais, donc Donald W.G. Lindsay, qui est aussi inventeur et fabricant d'instruments de musique. Et puis juste après, Mark Robin, Horror of the War. Bienvenue, vous écoutez La Croisière Folk et croyez-moi, vous avez bien raison d'être présent. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. J'ai le cœur en suspens, j'ai les papillons. Comme un adolescent, un nouveau printemps. Ça prend toute une vie pour arriver là. Mon cœur sur ta manche, ne l'oublie pas. Je cligne tes yeux et prends une photo. Croisière folk. Two boats. puts under the moon. The breeze is warm tonight and the stars are bright. Two boats under the moon. Nobody comes nor goes, nobody says nor knows. And we all may come and go. All together we sail alone. And we all say that we don't know. The South Atlantic ebb and flow. Two boats under the moon. The palms are black and white, jet black and silvery white. Two boats under the moon. Shining through west spring pines, guava and cactus thyme. Together we sail alone. And we all say that we don't know. The South Atlantic ebb and flow. Clock tower floating high above the mountain drive. Two boats under the moon. Solomon's faded walls, shuttered and darkened halls. And we all may come and go. All together we sail alone. And we all say that we don't know. The South Atlantic ebb and flow. Together we sail alone. We all say that we don't know. The South Atlantic ebb and flow. It's an awful mess, and I'm a-doing my best not to cry every moment of the day. You see it on the news and all its grisly views. What can a good person say? You got your lines all drawn. Which side are you on? New nuance has flown out the door. But I am paralyzed, I can't close my eyes to the horrors of the war. To the horrors of the war. Can't close my eyes to what I've seen. Feel paralyzed. Nightmares have covered up my dreams from the horrors of the war. If you're asking me now, this is what I need. I need a ceasefire now. And all the folks taken away, they should be home today. And I don't give a damn about how. If I could join that demonstration, but I side with resignation or polarization complete. But I am paralyzed, I can't close my eyes to the horrors of the war. The horrors of the war. Can't close my eyes to what I've seen. Feel paralyzed. Nightmares have covered up my dream from the horrors of the war. À l'instant, dans la croisière folk, eh bien, sachez que c'était Mark Rubin avec Horrors of the War. Et tout de suite, voici 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nobody does it better. Si vous êtes un habitué de l'émission, vous le savez, 1, 2, 3, c'est la partie de l'émission où en trois morceaux, on vous fait découvrir un album. Aujourd'hui, c'est l'album de Route 3, et pas Dri, c'est en flamand. Eh bien, ce groupe frappe fort avec un nouvel album live. Le groupe de Bluegrass, primé, vient de sortir un best-of, The Best of Road, Route 3. Je ne sais pas s'il faut dire Road. En fait, c'est Route 3 ou je ne sais pas exactement comment il faut le prononcer. Live at the Station Inn, c'est paru chez Pinecastle Records. Il a été capté à guichet fermé au mythique Station Inn de Nashville. L'album restitue toute l'énergie brute du quatuor. Jason Jordan, Doug Clifton, Greg Potter et Janice Martin y livrent des performances intenses et complices. Le concert a été donné en novembre 2024 et marquait les 50 ans du légendaire lieu dédié au bluegrass. Entre titres phares et reprises marquantes, Route 3 mêle tradition et modernité avec brio. Ce groupe est basé dans le Missouri et il continue de s'imposer comme une valeur sûre de la scène bluegrass contemporaine. Donc, de cet album live, nous allons écouter trois morceaux, Your Love is a Miracle, Mississippi Line et Let Me Rest at the End of My Journey. Voilà. Donc, cet album, j'espère que vous allez l'apprécier. 1, 2, 3, lancez la musique. A lot of pretty girls go by, but none have been right. And up until today, I would never settle down. But you keep coming around, and your love is a miracle. It's spiritual. I got here just in time. Your love is a miracle. Visible, even to a heart that's blind like mine. Out in the wildlife, a lot of people tell little lies, looking right in your eyes. And up until tonight, I was always on the prowl. Now I'm settling down, and your love is a miracle. It's spiritual. I got here just in time. Your love is a miracle. It's visible, even to a heart that's blind like mine. everyone can see what you're doing to me. Everyone can see that you're everything I need, and your love is a miracle. It's spiritual. Out of here just in time. Your love is a miracle. It's visible even to a heart that's blind like mine. Called the Mississippi Line. It's been a long, long time. You put me away and left you standing, holding all the pain. But behind these prison walls, well, I think about the day that we met on the Mississippi line. Hang my head down in sorrow. Don't you worry, there's tomorrow. I hope someday they set me free. But all the years that I spent thinking about the day that we met on the Mississippi line. A cold November night when you and Billy had a fight. I couldn't let him tear you down again. Drew the pistol from my side, fired a shot, and Billy died to hold me in for a life of crime and sin. Now you probably have moved on, and the life we had is gone. Oh, I wished that things could be the same. But the things that I've done is what's keeping me today. I've got a number, now not a name. So hang my head down in sorrow. Don't you worry, there's tomorrow. I hope someday they set me free. But all the years that I'll spend thinking about the day that we met on the Mississippi line. Letters that I've sent, 40 years now I've spent in a 5-foot cell, just trying to do my time. You were the one true thing to me, but your face I never see. I surely die in the Mississippi jail. So hang my head down in sorrow. Don't you worry, there's tomorrow. I know now they'll never set me free. All the years that I'll spend thinking about the day that we met on the Mississippi line. Oh, let me rest at the end. is all that he knows. A cowboy's life on the old cattle trail leads from Texas to old Mexico. Well, the pain is tired and his feet are all sore. We'll ride the range to my journey. Heaven is my home and my goal. Voilà un album de plus que nous avons découvert dans cette émission, la 299e, avec Route 3, leur album live qui vient de sortir, Your Love is a Miracle, Mississippi Line et Let Me Rest at the End of My Journey. Et la poésie, parce que la poésie fait partie de l'émission depuis la number one. Et on va écouter aujourd'hui un poème de Jacques Prévert, Pour toi mon amour. Un poème qui nous sera lu par Serge Reggiani. Et c'est un poème qui raconte la dureté émotionnelle qui vient avec le fait de tomber amoureux. Donc, il a trouvé une femme qu'il aime et il lui achète de belles choses, mais il aimerait aussi la garder sous clé pour qu'elle ne puisse pas le quitter et pour que la personne et que personne ne la vole comme un objet. Mais à la fin, eh bien, il se rend compte que la femme n'est pas un objet, mais plutôt une personne libre et qu'il ne peut pas la contrôler comme il veut. Alors, c'est un poème, donc, Pour toi, mon amour, qui a été publié dans le recueil Paroles, paru en 1946. Et puis, juste après, il y aura Sawyer Frederick avec Ain't Ya Proud, Spocket y Coquette, c'est un groupe danois, et qui est extrait, donc, de leur album, je vais vous le dire en français, l'album s'appelle Arbre de Noël, et Poésie Polska, c'est le titre du morceau. Et en fait, c'est un big band qui est suédois, danois et belge. Il fusionne les musiques folkloriques avec un potentiel festif comme vous n'en avez jamais vu auparavant. Ils interprètent avec aisance tous les styles, des ballades délicates et polka aux reels et scottish endiablé. Et puis on ira en Italie avec Beppe Gambetta et Terra Madre. C'est la plage titulaire de son premier album qui est sorti en 2024. Je suis allé au marché aux oiseaux et j'ai acheté des oiseaux pour toi, mon amour. Je suis allé au marché aux fleurs et j'ai acheté des fleurs pour toi, mon amour. Je suis allé au marché à la ferraille et j'ai acheté des chaînes, de lourdes chaînes, pour toi, mon amour. Et puis je suis allé au marché aux esclaves et je t'ai cherché. Mais je ne t'ai pas trouvé, mon amour. Oh yes, the land is stolen, ain't you proud to be here? Oh yes, the gun is smoking, that's the air we're breathing. Oh yes, the land is stolen, ain't you proud to be here? Oh yes, the gun is smoking, that's the air we're breathing. Are either lying or too blind to see. Land of the brave, put in kids in cages, the price of the American dream. Oh yes, the land is stolen, ain't you proud to be here? Oh yes, the gun is smoking, that's the air we're breathing. Yes, the land is stolen, ain't you proud to be here? Oh yes, the gun is smoking, that's the air we're breathing. Oh, wasn't built in a day. It was built by slaves and only a stone's throw away. It's our mistake, but it's the times we blame. Such a crime was all the rage. Land is stolen, ain't you proud to be here? Oh yes, the gun is smoking, that's the air we're breathing. Yes, the land is stolen, ain't you proud to be here? Oh yes, the gun is smoking, that's the air we're breathing. Go breathe it in. La croisière folle. Good vibrations. Ooh. Thank you. aspettano, suonano, danzano, cantano per chi non è più qua. Ombre che si abbracciano, fuoco per scaldarsi un po', piangono, vengono da quella città che non c'è più. Ora io sogno di essere già di là, oltre quel muro che ci aspetta, oltre un confine che cadrà. Penso a tuo padre, chissà dove sarà, lui pregherà per noi. Si calano, noi saremmo gli ultimi. Vieni, fa piano, salta, corri, ti vedrò di là. Cani che ci appaiano, mani mie che tremano, salta anch'io e non so dentro al buio cosa troverò. Ora io sogno il mondo che sarà, la nuova vita che ci aspetta, oltre un confine che cadrà. Sento mia madre come accanto a me, lei pregherà per noi. Bienvenue dans la Minute Astuce, votre cocktail d'ingéniosité pour pimenter votre vie. Dans chaque chronique, on vous livre les secrets malins pour simplifier votre quotidien et rendre chaque journée un peu plus douce. Que ce soit en cuisine, en bricolage, en santé ou même en beauté, la Minute Astuce vous offre les clés pour dompter tous les défis du quotidien. Alors, accrochez-vous pour une minute ou deux et découvrez comment devenir le roi ou la reine de la vie pratique avec nos astuces éclairs. Prêt pour un coup de génie? C'est parti pour une minute ou deux d'astuces qui révolutionneront votre quotidien. Vous écoutez La Croisière Folk, nous voici maintenant dans la Minute Astuce et je vais vous dire comment vous pourrez chauffer du lait sans qu'il ne colle au fond de la casserole. Parce que même en le faisant chauffer à feu très doux, le lait a cette tendance à coller au fond de la casserole. Alors pour éviter cela, versez le lait froid dans une casserole préalablement humectée. La pellicule d'eau déposée au fond de la casserole empêchera le lait de s'y fixer. Voilà. Vous savez tout. On poursuit en musique avec Jan van Brusselband et Mooie Muziek. C'est un extrait de son album Bruxelles Centrale, un album qui date de 2006. JKL avec D'autres saisons et Sabbat Shag avec Panique Balkanique. C'est aussi un groupe belge. Je vous rappelle que si vous souhaitez peut-être nous écrire, eh bien vous pouvez le faire. lacroisierefolk@yahoo.com et on a la page Facebook où on poste plein de trucs. La page Facebook de La Croisière Folk, qui s'appelle La Croisière Folk. N'hésitez pas, bien sûr, à la liker. Zacht valt de deur in het slot. De weg is hij kwijt, wat hij zoekt is een shot. Zo helder het water, zo troebel zijn blik. Als hij slentert langs ramen, zegt hij zacht, dit ben ik.

Le soleil s'installe, la chaleur s'emballe. J'avance vers demain. D'autres horizons, d'autres saisons, d'autres horizons, d'autres saisons, d'autres horizons, d'autres saisons, d'autres horizons. Fini. Et voilà, la croisière folk touche doucement à sa fin. Merci d'avoir navigué avec nous au cœur de ces musiques qui réchauffent l'âme et racontent nos racines. Vous pouvez retrouver cette émission sur Mixcloud et sur ir10.at. Donc vous pouvez réécouter les anciennes émissions et puis les partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle escale musicale. D'ici là, prenez soin de vous et que la musique continue de vous accompagner. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine. Et on se quitte avec Félix Leroux et la chanson Réveillez-vous. Il est auteur, compositeur, interprète et il dévoile Réveillez-vous. C'est un extrait radio ensoleillé, plein d'humour et de fraîcheur, qui marque également la sortie de son premier album On Sort Jazz. Réveillez-vous est une chanson humoriste satirique qui décrit le fil de pensée d'un personnage aux multiples croyances douteuses. Ce dernier, bien convaincu de ses conclusions, se permet de juger les gens qui pensent différemment de lui. On en connaît tous. Avec Réveillez-vous, eh bien Félix nous invite à sourire, à réfléchir et surtout à tendre l'oreille. Et voilà, c'est terminé. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et rendez-vous à tous et toutes la semaine prochaine. Bye bye. I'll be back. Faites pas des tarifs pour les fonctionnaires, les intermittents, les précaires, tout ça. Tenez, Madame Chapeau. Mais je ne m'appelle pas comme ça. Ce sont les crapuleux de ma strotche qui m'ont donné ce surnom. Parce que je suis bien trop distingué pour sortir en cheveux. Sir, there are some people here. They speak a very strange French. They say you invited them. Les gens autour de moi ont toujours trouvé que j'avais des opinions tranchées. C'est vrai que je tiens mes idées, je me laisse pas influencer par ceux qui aiment ça argumenter. Comme les faux experts à la télévision qui font toutes sortes de recommandations. Moi ça fait longtemps que j'ai catché que tout ce monde le sait payer pour essayer de me manipuler. Moi j'ai jamais trouvé ça ben net. Non. Cette histoire de réchauffement de la planète. Pourquoi faudrait s'inquiéter pour une coupe de degrés quand on a tout l'air climatisé? Oh oui. En plus, ils disent qu'il faudrait diminuer notre consommation d'eau en été. Mais non. L'océan va pas se vider, ils viendront pas m'empêcher d'arroser mon pot driveway. Puis vous, vous trouvez pas ça bizarre, hein? Que le Wi-Fi soit deux fois plus fort. Mais le 5G. Depuis qu'on vaccine les gens, c'est encore le gouvernement qui nous surveille avec des implants. Ben oui. Avec tout ça, me semble, c'est évident. C'est clair. Tout ça, c'est un plan pour contrôler les gens. Moi, j'irai pas me faire piquer. J'suis déjà protégé. J'ai mon collier en pur noisetier. Et toi le jeune, t'as pas l'air d'un mouton. Non. Écoute bien ça, je te donne une coupe de leçons. Écoute-moi bien. Tiens-toi loin des oiseaux, c'est clairement des robots qui nous espionnent de par en haut. Attention au micro-ondes, pis surtout écoute pas le monde qui vont te dire que la terre est ronde. Ben voyons, elle est plate. La croisière folk. To infinity and beyond. J'ai toujours le même problème, c'est de ne jamais t'oublier. Qu'importe où le vent me mène, je ne vois que ton visage. quand le soleil se lève, ton écho reste gravé. Dans chaque recoin de mes rêves, tu reviens comme un mirage. Oh, oh, oh, ma peau lézardée se détache et la vie m'amène ailleurs. Oh, oh, oh, mais ce renouveau ne change pas ton empreinte sur ma peau. Et si la vie nous rassemble, malgré nos différences, et si la vie nous rassemble pour nos ressemblances. Tes yeux qui brillent comme un phare guident ma voix sans faillir. Emmène-moi quelque part où la route n'est pas pavée. Jusqu'au lever du soleil, je veux être collé